fait maintenant plus de 20 ans qu'il est parti, soir de pluie. Allez mamie, sèche donc tes yeux, j'ai bien que dans sa lettre. Allez mamie, sèche donc tes yeux, tu vois bien qu'il regrette. Soir on va faire une fête comme jamais, je vais chercher le vieux et son accordéon. Tous ceux du village y viendront. Ces petits plats que le petit aimait tant, tu sais, petits plats que ça fait bien longtemps. Allez mamie, ça nous fera plaisir. Claquons les mains, frappons les pieds, ce soir le petit sera là, assis à la table. Oui, claquons les mains et frappons les pieds, ce soir le petit sera là, au milieu de nous deux. Durant toutes ces années, mamie, ce soir de pluie, je l'ai maudit. J'sais bien, mamie, que tu ne m'as rien dit, mais y a les rires tes yeux. Allez, mamie, donne-moi ta main, j'sais bien que dans sa lettre. Allez, mamie, serre-moi la main, tu vois bien. Pour à la cave, chercher notre bon vieux vin, qu'on fasse la foire du soir au petit matin. Et que tous ceux du village s'y amusent. Prépare la table, fais chanter les couverts, sur des airs gais de notre bonne vieille terre. Que le petit se sente bien comme avant. Claquons les mains, frappons les pieds, ce soir le petit sera là, assis à la table. Oui, claquons les mains et frappons les pieds, ce soir le petit sera là, au milieu de nous.